T'es la gagne, t'es pas top, t'es plein de blabla, j'pète une clope. C'est Mister Chula, fake bengouze, choque les tout sur la grégouze. T'es bizarre, mec, chat, t'es pas là. Où on va, qui s'en fait, on se régale. Au dégaine, mais t'es personne. Rentre chez toi et téléphone qui sonne. Demande à bengouze, j'croyais que t'avais bon. Elle t'a mis un pouce. Tu fais le fan, tu pisses tout. Tu vois la beluga de Moscou. Pourquoi tu fais le costaud? Tu pourrais finir à l'hosto. Crois pas tu rigoles. Ça écoute en colle, en boîte, en tol. Quand ça braque, ça vole. Quand c'est tout seul ou que ça fume, un peu posé avec sa folle. Ça folle, j'cape même si la roue est voilée. En T-Max ou en quad, en survêt dans ta soirée. Même si la roue est voilée, un T-Max ou un quad, en survêt dans ta soirée. Tu fais la gagne, t'es pas top, t'es plein de blabla, j'pète une clope. C'est Mister Chula, fake bengouze, choque les tous sur la grégouze. T'es bizarre, mec, chat, t'es pâle. Où on va, qui s'en fait, on se régale. Au dégain, non, mais t'es personne. Rentre chez toi, il fait des fonds qui sonnent. La potion dans la taille que j'roule en zone. J'ai claqué deux verres pomme la veille, c'est pour toutes les zones. C'est pour toutes les zones. Cheaté au Pinel dans la mêlée. Plus longtemps je me retrouve vers Aix-les-Mille. Et au rond-point de l'escale par exéminé. Toi c'est ton plan mais lui il aime que c'est le mielleux. Évidemment je lève le TDM. Et je sais que t'as gadi M. Quand elle me voit passer y'a écrit Joule derrière le maillot de l'OM. Évidemment je lève le TDM. Et je sais que t'as gadi M. Quand elle me voit passer y'a écrit Joule derrière le maillot de l'OM. Fais la gagne, t'es pas top, t'es plein de blabla, j'pète une clope. C'est Mister Chula, fake bengouze, choque les tous sur la grégouze. T'es bizarre, mec, chat, t'es pâle. Où on va, qui s'en fait, on se régale. Au dégain, non, mais t'es personne. Rentre chez toi, il fait les fonds qui sonnent. Voilà. Tu l'attendais, c'est là, gros. Chula. Featuring Bengouze. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Y a pas un pour faire deux, mon barbe. Qu'est-ce qu'il y a? Marque moi là, frère. Hein? Pas bien? J'ai banca là? Au fada? Tout ça, gros? Ça fait? Ce que si? Ça fait? Coute ça? T'es là? Où est-ce que t'es? T'es bébé? Bah, bah, tu as compris, mon bébé. Eh ouais, c'était la night, oh. Qui chauffait. Oh, au costard. Au collègue. Au cousine. Je vois pas que tu en peux plus, mon bébé. Eh, ça va, c'est la régale. Série quoi boire, on est là. On est comme toi. Qu'est-ce qu'on fait? On boit pas un coup, mon bébé. Hein? Eh ouais, mon bébé. Sur ce, je t'embrasse. Allez, bitch, m'a gonflé, allez, bise.